C'est la 144e artiste que nous mettons à l'honneur aujourd'hui dans Coup de cœur. Je vous salue et vous informe que la semaine prochaine, la dernière émission de la saison, sera consacrée à Catherine Lara. Pour l'heure, nous allons passer 60 minutes en compagnie d'une des plus belles voix de la chanson française. Écoutez plutôt Serge, votre serviteur, pour écouter, partager avec vous la carrière de... Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Vous l'avez reconnu dans cette chanson d'origine de Michel Sardou, Je viens du Sud, il s'agit de Chimène Badi. Elle est née à Melun en octobre 82, de parents d'origine algérienne. Elle a un frère Karim et une sœur Déborah. Et 3 ans après sa naissance, donc dans la région parisienne, ses parents décident de déménager à Villeneuve-sur-Lot, c'est dans le Lot-et-Garonne, afin de se rapprocher du camp harki de Bias, où vivaient des membres de sa famille. Depuis son enfance, Chimène Badi rêve de devenir chanteuse. Après avoir obtenu un BEP, elle prépare un baccalauréat professionnel agroalimentaire afin de devenir inspecteur d'hygiène dans la restauration. Ça fait sourire hein, quand même par rapport à sa future destinée. Mais ses études ne lui plaisent pas. Et cette fan de Laura Fabian, également de Céline Dion, depuis sa tendre enfance, décide de se consacrer au chant, sa véritable passion. Elle envoie alors des cassettes à différents télécrochets comme Star Academy et Graines de Star, mais ne reçoit aucune réponse. Ses parents, persuadés de son talent, envisageront même de vendre leur maison dans le but de monter à Paris, chercher un producteur qui écouterait Chimène et accepterait de la produire. Les parents, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. En 2002, elle voit à la télévision la bande-annonce de Popstar et s'inscrit au casting à Bordeaux où elle interprète a cappella l'envie d'aimer devant le jury composé d'Elisabeth Anaïs, Bruno Vandelli et Valérie Zaitoun, ce dernier étant alors directeur du label AZ. C'est à ce moment-là que sa vie bascule. Elle est admise parmi les candidats de la saison 2 de l'émission, mais le jury décide de se séparer d'elle avant la formation d'un groupe recherché, ne la projetant pas dans un groupe, jugeant sa voix difficilement maniable. Bah écoutez, on va la réécouter pour être sûr que sa voix est difficilement maniable, je n'en suis pas persuadé. Si j'avais su t'aimer, c'est le titre qu'elle va nous interpréter, puis ce sera Laura Fabian, La Différence. Si j'avais su t'aimer avec des habitudes, des petits déjeuners au lit de solitude, si j'avais su te dire avec exactitude ce qui me fait mourir de tant d'incertitudes. Oublier. j'aurais brûlé ma lettre. Nos coups de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Coup de cœur. Partageons nos passions sur Fadjet. Chaque semaine, dans Coup de cœur, un univers musical totalement différent puisqu'il a rapport direct avec la vedette que l'on met en lumière. Aujourd'hui, il s'agit de Chimen Badi. Rappelez-vous, elle était à la fin de notre, avant notre coupure musicale, elle était dans un casting pop star. Donc, lors de ce casting, bon, elle n'a pas gagné, mais Valérie Zetoun est touchée par la voix de Chimen Badi. Elle pense qu'elle peut envisager une carrière solo. Il lui propose alors de l'aider. peu de temps après, elle signe un contrat avec la maison de disques Universal. Valérie Zetoun lui présente également Rick Allison, ex-mentor de Lara Fabian, qui lui écrit son tube « Entre nous ». Le titre est enregistré à Montréal, il sort en janvier 2003 et le single se classe numéro 1 du top 50 et s'écoule à plus de 250 000 exemplaires. Ce morceau donne son nom au premier album de Chimène Badi publié en mars 2003. Il est réalisé à Toulouse et contient notamment les titres « Je vais te chercher » et « Si j'avais su t'aimer ». Que l'on vient d'écouter à l'instant. Un certifié disque de platine, l'album se vend à plus de 450 000 exemplaires en France. Le 21 juin 2003, elle se produit sur scène pour la première fois devant un public de plus de 100 000 personnes aux Champs-Élysées pour la fête de la musique 2003. Et durant l'été, Johnny Hallyday l'invite à chanter avec lui le titre « Je te promets » lors de sa tournée des stades pour célébrer ses 60 ans. Je vous propose de la retrouver entre nous, ce titre phare, et puis ce duo mythique avec Johnny Hallyday. Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard de nos yeux qui se belles chansons françaises, écoutez-les sur Fadjet. Je promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme, je te promets la vie de mes rires à mes larmes, je te promets le feu à la place des armes, plus jamais des adieux, rien que des au revoir. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves, des heures incandescentes et des minutes blanches, des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Eh bien, on peut dire que Johnny, bah, il aimait les jolies femmes, il aimait les jeunes chanteuses et surtout les jolies voix, bien sûr. Wow, pour un début de carrière, Chimène Badi, un an après la découverte de son talent, eh ben, elle a fait fort. Un petit point technique maintenant, je vous propose quelques petits renseignements bien utiles. Fadjet sur internet, www.fadjet.net. www.fadjet.net. Une adresse bien utile, effectivement, parce que si vous êtes en voiture et puis que vous vous éloignez de la zone d'émission de Fadjet en FM, eh bien, vous pouvez basculer sur le www.fadjet.net et ceci dans toute l'Europe. Donc, ça fait des kilomètres à parcourir avant de ne plus pouvoir nous écouter. Donc, adresse internet, également plein d'articles et puis toutes les émissions en podcast. Hein, ça, c'est une certitude. Vous pouvez la retrouver, la nôtre, juste après sa diffusion sur l'antenne. Bientôt le DAB+. Fadjet en DAB+, mais ça, il faut que ce soit installé dans la région nantaise. Je vous ai tout dit, on revient à Chimène Badi. Après avoir effectué ses premières scènes au Casino de Paris les 20 et 21 janvier 2004, elle est alors nommée aux Energy Music Awards dans la catégorie « Révélation francophone de l'année ». également aux Victoires de la musique dans la catégorie Album Révélation de l'année. Et en mai 2004, Michel Sardou l'invite à venir chanter en duo son titre « Musulmane » lors d'une émission consacrée aux chanteurs. Elle participe également au « Cœur des femmes », album caritatif au profit de l'association Laurette Fugain. La même année, elle interprète le générique français du film « Le jour d'après » qui atteint la 7e place du top 50. On l'écoute et on se retrouve juste après. Portera nos regrets si nous survivons, peut-être le souvenir dévasté de notre ancienne planète. On emportera nos remords de ce temps. Écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. On est en 2004, sort l'album Dis-moi que tu m'aimes, qui contient 15 titres, dont deux écrits par Jean-Paul Dréau, c'est pas n'importe qui puisque c'est le célèbre compositeur de Michel Polnareff et Elton John, ainsi que plusieurs signés par Rick Allison bien sûr, Marc Lavoine, Jean-Félix Lalanne et Lara Fabian. Il y a aussi une reprise de Michel Sardou qu'on a écoutée en tout début de programme, Je viens du Sud, et ce titre connaîtra un grand succès et se classera numéro 2 du top 50, permettant à l'album de s'écouler à plus de 750 000 ventes. Elle est nommée également aux Energy Music Awards dans la catégorie artiste féminine francophone de l'année. Et après avoir participé au collectif Asie, artiste solidaire ici pour eux, qui vient en aide aux victimes du tsunami dans l'océan Indien à l'époque, avec la chanson « Et puis la Terre » ainsi qu'au concert des Enfoirés, elle se produit sur la scène de l'Olympia. C'est un démarrage vraiment d'une carrière, un démarrage foudroyant. Hein. Elle reçoit au mois de septembre l'étoile Chérie FM. Je le dis parce que étoile Chérie FM de l'émotion live, la cérémonie était quand même parrainée par Céline Dion et Phil Collins à Paris. On va écouter une chanson que je trouve très optimiste, très agréable à entendre, Retomber amoureux, puis la grande Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Tu bien longtemps qu'on ne s'était pas dit le prénom d'un enfant dont on aurait envie. Et puis un jour tout est fini, c'est là que tout a commencé. Quand on s'est dit on se quitte, on ne s'est plus jamais quitté. Retomber amoureux de la personne qu'on aime. Retomber amoureux et de nouveau se dire je t'aime. Retomber amoureux de la personne qu'on aime. Être heureux d'être heureux, différent mais toujours les mêmes. Il y a bien longtemps, les dîners aux chandelles. Il y a bien longtemps, les petits câlins à l'hôtel. Et le jour qui se lève, dire bonjour aux voisins, se prendre pour Adam et Ève et croquer dans le même pain. Un jour on s'est dit c'est fini, c'est là que tout a commencé. Un jour on s'est dit on se quitte, on ne s'est plus jamais. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Je vais chercher ton cœur. Des hits et zéro pub, c'est aussi ça, Fadjet. Effectivement, la solution, c'est Fadjet, si vous n'avez pas envie d'être agressé par des pubs incessantes. Il n'y a pas d'autre solution. Allez, je plaisante. On revient à la carrière de Chimène Badi. À tout juste 24 ans, elle sort déjà son troisième album studio, Le Miroir, où cette fois-ci, elle prend un tournant plus R&B. L'album connaît un succès moins important que le précédent, ne s'écoulant qu'à 200 000 exemplaires, c'est déjà pas mal, soutenu par les titres Le Miroir, Pourquoi le monde a peur et Malgré tout. En 2007, elle entame une nouvelle tournée à travers la France avec l'album Laisse-les dire, sorti en mai 2010 sous le nom de Chimène, qui est réalisé par Scott Jacoby et enregistré entre la Belgique, la France et New York. Elle marque encore un virage et cet album est plus intime, plus autobiographique. La chanteuse préférant opter pour des rythmes plus soul and jazzy. 4 singles en sont tirés, je vous rappelle, Laisse-les dire, En équilibre, Plus de devoirs que de droit, également D'une fille à sa mère, permettant de s'écouler à 100 000 exemplaires pour ce nouvel album en 2010 donc. En 2011, cette fois-ci, elle revient avec Gospel and Soul. Ce n'est pas n'importe quel album de reprise, puisqu'elle prend son envol dans le gospel et le soul, genre qu'elle aime depuis l'enfance, mais qu'elle n'avait jamais abordé avec une telle ambition. Donc il s'agit d'un album de reprise de standards américains et français sur lequel elle est accompagnée par la chorale Liberty Gospel. Elle s'envole pour New York et enregistre un duo avec Billy Paul sur Ain't No Mountain High Enough. Et le disque reçoit un bel accueil du public et critique. Il est certifié triple disque de platine pour 300 000 albums vendus. Ce cinquième album marque le début d'une nouvelle vie pour la chanteuse qui, souvent moquée par le passé pour ses rondeurs, affiche désormais une silhouette délestée de 30 kilos et ose porter sur scène des tenues plus sexy bien sûr. En 2012, elle est invitée par Lionel Richie pour interpréter en duo une reprise de Say You, Say Me et elle assure à Québec, le 6 juillet de cette même année, la première partie de son concert devant plus de 100 000 personnes. La veille, elle était présente à l'ouverture du Festival d'été de Québec au Canada. On retrouve ce duo avec Billy Paul et puis l'original de Lionel Richie, Say You, Say Me. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Allez, on vient à Chimène Badi. On en est à l'automne 2012. Elle participe à la troisième saison de l'émission Danse avec les stars sur TF1. Aux côtés du danseur Julien Brugel, elle termine huitième de la compétition. Il faut dire qu'elle était assez déstabilisée par le programme et elle a confié ne pas être mécontente que l'émission se finisse, même si elle s'est dépassée. À l'issue de cette émission, elle se sépare des services de Valérie Zeitoun pour l'avoir forcée à y participer, soi-disant pour faire la promotion de son album. Elle entreprend la tournée de son spectacle Gospel and Soul en France et se produit à l'Olympia pour 4 soirées, 4 spectacles. Au printemps 2013, elle intègre The Voice en tant que coach vocal pour l'équipe de Florent Pagny au moment des battles. Et à l'occasion du retour de Popstar sur D8, elle déclare avoir été sollicitée pour être dans le jury, mais décline l'invitation faute de temps. À l'été 2013, celle que certains qualifient de nouvelle Édith Piaf subit plusieurs problèmes aux cordes vocales. Sur ordre médical, elle est contrainte d'annuler sa tournée estivale. La décision sera reconduite pour les dates d'hiver. Son médecin lui a découvert de nombreux œdèmes sur les cordes et il faut donc arrêter toute activité musicale au risque de perdre sa voix. Ça nous rappelle la mésaventure qui est arrivée dans le courant de la carrière de Céline Dion également. Hein. Donc loin des projecteurs, Chimène Badi part se reposer avec sa famille dans le Lot-et-Garonne. Et après les fêtes de Noël et au début de l'année 2014, la chanteuse a retrouvé son coffre et s'embarque même avec les Enfoirés dont elle fait partie depuis 2012 pour leur série de concerts exceptionnels, cette fois-ci à Strasbourg. Elle a repris le goût du chant et confiance en son corps également. Elle rejoint ensuite le fauteuil de coach dans The Voice Belgique saison 4. Elle en sortira avec le vainqueur Florent Braque. 6e album de Chimène, Au-delà des mots, et il sort en septembre 2015. Enregistré à Los Angeles, l'album comporte notamment des collaborations avec Zao et Emmanuel Moir. Malgré de bonnes critiques et les collaborations internationales, l'album est un échec. 25 000 exemplaires seulement seront vendus. En mai 2016, elle intègre la troupe de la comédie musicale Cats pour 35 représentations, où elle reprend le rôle de Grisabella en interprétant le titre Memory, rendu mondialement célèbre bien sûr par Barbara Streisand, adapté en français sous le titre Ma vie. On écoute cette version de Memory et puis Barbara Streisand, ensuite Evergreen, tiré du film Star is Born. Une âme à la ronde, la lune est seule au monde, m'aurait-elle oublié? À mes pieds, quelques feuilles s'envolent et meurent en silence. Seul le vent vient les pleurer. Fadjet, le bonheur en chanson. Rise, and that dance is unrehearsed. They won't. Dernière partie de ce coup de cœur, Chimène Badi. En 2017, elle participe à l'album concept de Julie Zenati, Méditerranéenne. Elle part en tournée avec la chanteuse afin de promouvoir ce disque. En décembre 2018, lors de la conférence de presse Destination Eurovision 2019, elle est annoncée comme participante à la sélection nationale face à 17 autres artistes pour représenter la France au concours Eurovision de 2019 avec un titre qui s'appelle Là-haut. Elle finit troisième des présélections, ce sera Bilal Hassani qui représentera la France. L'album Chimène, sorti en avril 2019, est un échec commercial, seulement 10 000 disques vendus. L'année suivante paraît une compilation intitulée Entre nous. Le 20 janvier dernier, par contre, Chimène Badi publie un album en hommage à Edith Piaf. Ça s'appelle Chimène chante Piaf, tout simplement. Effectivement, qui de mieux que Chimène Badi pouvait célébrer Edith Piaf 60 ans après sa disparition en 1963. Elle a tellement de points communs avec la môme. Une voix exceptionnelle qui puise, on peut dire, son émission dans les plaies que la vie a ouvertes. Une personnalité à la fois forte et hypersensible. Une passion pour les beaux textes. Des mélodies qui restent dans la tête et dans le cœur. Toutes ces choses qui font que Chimène n'est pas seulement une immense chanteuse, mais qu'elle a aussi et surtout une interprète hors du commun. Alors ça se passera surtout sur la scène des Folies Bergères les 27 et 28 octobre prochains, sachez-le. Il y a aussi l'engagement qui est dans la vie de Chimène Badi. Elle est au rendez-vous après les Restos du Cœur de 2005 à 2007, puis de 2012 à 2014. Interpol également en 2012 pour sensibiliser le public au trafic de faux médicaments, avec un single qu'elle a enregistré « Proud to be » ou encore dans la lutte contre le harcèlement scolaire à travers un spot TV qui a été diffusé en 2013. Alors, quelques indiscrétions sur sa vie privée. Messieurs, c'est peut-être un cœur à prendre. Effectivement, en couple avec Julien, un musicien dont elle partageait la vie depuis 8 ans, elle a annoncé en janvier dernier la fin de leur relation. C'est la fin de notre émission. On se quitte en public. Le jour se lève. Rappelez-vous, c'était initialement Esther Galil, version Chimène Badi. Il est bientôt 5 heures. Le matin va venir. Vous avez tous le cœur à aimer ou dormir, mais moi je reste seule. Le jour se lève sur ma peine, alors le monde entier fait l'amour, mais ça n'a pas d'importance. Que je danse. Il est bientôt 5 heures. Le soleil va briller sur la mer et les fleurs et sur l'éternité. Mais moi je reste seule. Le jour se lève alors le monde entier fait l'amour, mais ça n'a pas d'importance, car c'est pour toi que je danse. Il est bientôt 5 heures, le matin va venir. Mais moi je reste seule. Le jour se lève sur ma peine. Juste quelques secondes pour vous saluer avant le carillon de Fadjet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison qui sera consacrée à celle pour qui le violon, bah, ça fait partie de son ADN carrément, c'est Catherine Lara. D'ici là, passez de très bons moments, soyez prudents, amusez-vous bien, écoutez Fadjet entre autres, et puis, bah, ma foi, à jeudi 17h. Salut, salut !